Raymond Poirier est avec nous en studio pour sa chronique Technologie de l'information puisqu'il est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval. Laetitia, allô Raymond. Bonjour Tania. Alors aujourd'hui, encore une fois, un grand sujet, tu vas nous parler des défis de l'Internet en route vers 2030, qui a été un document qui a été produit par le gouvernement français. Exactement, par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, qui sont posés des questions pour voir justement, c'est quoi un peu les grands enjeux, c'est quoi un peu les grandes thématiques, c'est quoi un peu les grands défis? Évidemment, si on sait à peu près ou si on peut essayer d'anticiper ce qui s'en vient, on peut mieux s'y préparer. Et Dieu sait qu'au fil des années, c'est d'ailleurs la grande conclusion de ce rapport, ben, Internet prendra une importance croissante dans à peu près tout. On s'en doute. Oui. Et donc, nécessairement, ben, faut pouvoir se préparer à intégrer ce grand tout dans l'ensemble de nos diverses activités. C'est le genre aussi de réflexion qui oriente des tendances de recherche ici comme ailleurs d'ailleurs. Dans un premier temps, j'imagine qu'on a parlé des défis technologiques. C'est l'incontournable. On parlait la semaine dernière, en fait, qu'il y a de plus en plus d'informations qui étaient mises dans le monde. En fait, qu'en deux jours, on émet à peu près l'équivalent aujourd'hui des premières 2000 ans de l'âge de l'information, si on peut dire, donc de 2013 en descendant. Et évidemment, ça semble pas non plus être parti pour diminuer, puisqu'on va rajouter progressivement de plus en plus d'infrastructures, de plus en plus d'objets connectés, etc., etc. Donc, nécessairement, le premier grand défi, ça va être la notion des infrastructures. Il va falloir se mettre en place des systèmes de routage, des systèmes de transmission pour pouvoir de mieux en mieux performer, pour pouvoir de plus en plus appuyer ce partage d'informations-là. Donc, on pense, par exemple, à la fibre optique qui est ciblée spécifiquement de ce côté-là. C'est bien parce qu'en plus, c'est une grande expertise qu'on a ici à Québec, notamment à l'université avec le Centre d'optique photonique et laser. Il y a des chercheurs ici, comme j'imagine, il y en a ailleurs qui travaillent justement à essayer de développer de nouvelles formes d'optique qui vont pouvoir toujours avoir plus d'informations à l'intérieur de ça. Donc, ça pourrait répondre peut-être en partie à ce défi des infrastructures-là. Donc ça, c'est un premier défi. Il y a les structures aussi qui vont peut-être poser un problème. Oui, mais en fait, c'est qu'on pense, en fait, si on y va largement, donc on a donc la fibre optique doit porter plus d'informations. On a de plus en plus d'objets aussi qui vont être interconnectés sur le réseau, donc soit via les fibres, soit via les satellites. Donc, faudra aussi s'assurer de pouvoir les regrouper de manière quand même assez efficace. On pense donc à l'internet, à l'informatique embarquée, donc automobile, objets et autres. On pense au cloud computing, donc cette idée de l'info nuagique où le on va cloud stocker de manière virtuelle des informations. Mais c'est virtuel, mais c'est quand même à quelque part. Et il y a quand même aussi cette notion d'accès-là. Donc, encore là, on revient à cette idée de performance. Et à ça, évidemment, ça implique aussi qu'il va avoir des changements au niveau de l'architecture même des réseaux à proprement parler, dans la mesure où il faudra justement pouvoir bien balancer ces différents médiums, bien balancer ces différentes structures pour s'assurer de pouvoir répondre aux besoins croissants d'un côté des humains et de l'autre côté des machines aussi. Donc, vraiment, là, la manière de faire transiter l'information est appelé donc à évoluer, ça c'est certain. Mais tu parles d'évolution, on est présentement dans le web 2.0. Est-ce qu'on peut espérer d'avoir le web 3.0 ou même 4.0? Mais il y a des gens qui vont peut-être même te dire qu'on est déjà dans le 3.0, mais on ne le sait pas encore. Ah, parce non, que on c'est nous pas l'a encore pas dit. C'est pas encore rendu au commun des mortels. OK. mais de plus en plus on s'en va vers le 3.0, c'est ce qu'on appelle le web sémantique. Donc l'idée en fait de plutôt de chercher des mots et d'y aller par exemple avec un repérage sur le nombre de répétitions et autres, ben subitement on va pouvoir chercher des idées. Donc c'est le web des idées d'une certaine façon. Si j'essaie de synthétiser de manière très très très disons limitative là, mais donc on s'en va vraiment ailleurs de ce côté-là. On change un peu le type de moteur de recherche, les informations qui vont être recherchées, et donc nécessairement encore là, mais il va falloir aussi adapter les systèmes pour répondre à ce type de recherche-là qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus complexe aussi. Mm-hmm. Donc c'est une nouvelle manière d'indexer l'information et une nouvelle manière aussi d'anticiper d'appréhender l'information. Donc on va un peu savoir qu'est-ce que les gens vont vouloir chercher comme information. Si on veut, d'une certaine façon, dans le croisement de l'information, parce qu'on revient aussi au big data, donc aux données massives, donc l'idée d'accéder à de l'information, de pouvoir la croiser facilement, puis de pouvoir aller chercher de l'information de manière peut-être un peu plus instinctive que simplement mathématique. OK. Là, ça va, là, je comprends. Mais il va falloir régir tout ça quelque part, il va falloir faire des lois, mais il va falloir surtout que les pays s'entendent, je pense. Oui, mais en fait, c'est un autre grand défi que le gouvernement français a ciblé là-dedans. C'est l'idée que, pour l'instant, Internet, c'est un peu une zone hors du monde, d'une certaine façon, mais d'une autre manière, c'est aussi quelque chose qui est quand même à quelque part, qui est localisé. Donc, de quelle manière on peut développer des lois qui vont s'appliquer aux univers virtuels, qui vont s'appliquer aux sites web en général et qui vont être appliquées, mais de manière commune. Parce qu'on le voit déjà, il y a des choses qu'on peut faire, des informations qu'on peut diffuser à partir de certains pays. Par contre, elles ne peuvent pas nécessairement être liées. Donc, il y a déjà quand même une certaine complexité qui tend à émerger un peu de la manière dont on gère le web. Eh ben, selon eux, ça risque d'être de plus en plus important comme préoccupation parce que le web va prendre de plus en plus de place, va étendre sa sphère d'influence. Donc, la notion de législation va être de plus en plus complexe. Ben, on peut tomber de temps en temps sur des trucs du genre « ce contenu n'est pas disponible dans votre pays ou dans votre région ». Oui, avec les adresses IP et le reste. Donc, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est la solution? De quelle manière on intègre les règles territorialisées? De quelle manière il faut aussi essayer de garder un espace de neutralité? Parce qu'il y a quand même aussi cette idée de neutralité du web qui est défendue par certains. Donc, c'est quand même un équilibre qui est complexe et qui doit être fait en fonction d'une variété de facteurs. Donc, ça, c'est un autre dossier sur lequel il y a plusieurs qui vont se casser la tête, je pense. Mais encore là, il faut que les gens sachent comment utiliser Internet. Oui, c'est l'autre élément. En fait, la notion d'éducation, évidemment, si Internet prend de plus en plus de place, eh bien, évidemment, les gens vont être appelés à de plus en plus l'utiliser. Donc, former des utilisateurs, oui, des gens qui sont capables d'utiliser la mécanique du web, mais également, et ça, c'est encore là, c'est un défi auquel on est déjà confronté, c'est l'idée de pas seulement savoir utiliser la mécanique, mais de comprendre la mécanique, de voir ce qui fonctionne au-delà, de voir les impacts de nos gestes, de saisir un peu, disons, l'impact du web, mais dans sa globalité. L'impact économique aussi. Ben oui, parce que si ça s'étend, eh ben ça va prendre de plus en plus de place. Ça a déjà des influences quand même assez importantes. T'en parlais avec des intervenants tout à l'heure au niveau de l'économie, des marchés, livres numériques, films, au niveau de la culture, la manière de consommer la culture, ça change. La manière de consommer différents autres produits, ça se transforme également. Donc, Internet va continuer à restructurer et à modeler le système productif. Il y a des activités qui vont périr, il y en a d'autres qui vont surgir. Selon le gouvernement français, selon ce rapport donc du commissariat général à la stratégie et à la prospective, on dit que du côté des services de communication électronique, le service téléphonique commuté devrait disparaître, peut-être les services audiovisuels sont appelés à changer, différents éléments comme ça au niveau des médias, au niveau des communications, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé vont être appelés éventuellement à transiter aussi via ça. Donc c'est un changement en profondeur dans le fond qui est déjà entamé, mais dont on voit seulement, selon ce rapport-là, la pointe de l'iceberg pour le moment. Et il y a différents domaines qui changent, mais aussi les relations interpersonnelles. Je pense qu'on peut pas passer à côté. Exactement. Ça pose une question. En fait, ils l'ont mis dans leur section incertitude et tension. Donc, c'est comme deux questions qui soulèvent. Ils disent, en fait, est-ce que, globalement, la vie numérique des gens sera augmentée ou sera diminuée? Donc, l'idée, à savoir si on a plus en plus d'importance, d'influence d'Internet sur le quotidien, est-ce que ça veut dire que l'humain va être plus sur le web ou est-ce que ça veut dire que le web va être plus dans la réalité? Donc, à quel endroit va se situer le croisement? Et parallèlement, est-ce qu'aussi ça veut dire que, dans le fond, il y aura une double vie, entre guillemets, qui sera engendrée par l'impact du web? Parallèlement, au niveau donc du lien social, est-ce que le web va renforcer des liens sociaux ou au contraire va les affaiblir? C'est la grande zone grise. De ce côté-là, en fait, on a l'impression qu'il y a eu une forte insistance, en fait, dans le débat scientifique des années 90-2000 sur les effets négatifs des usages numériques et du lien social, donc les technologies comme vecteur d'isolement, diminution de qualité de vie, pathologie psychosociale et le reste. Parallèlement, il y a d'autres types d'identités qui ont surgi, un renforcement de certaines identités. Alors, de quelle manière ça va s'exprimer et quels seront les impacts? Ça, c'est comme je dis, c'est une zone de gris pour l'instant. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça va être préoccupant, mais de quelle façon? On ne le sait pas, selon eux. Si le rapport a été fait par le gouvernement français, j'imagine qu'on s'est aussi attardé au gouvernement face au web. Oui, en fait, dans un sens, on parle d'une culture collaborative. Je pense à deux niveaux, en fait, autant en ce qui concerne le travail, autant en ce qui concerne la gouvernance. Donc, on en parle aussi sporadiquement quand on parle de données ouvertes, quand on parle de nouveaux modes de participation citoyenne. Donc, c'est de dire aux États, dans le fond, regardez, il y a des nouveaux outils qui se développent, il y a des nouvelles manières de communiquer qui émergent. Il faut savoir éventuellement les utiliser. D'un côté, parce que il y aura une question de choix qui éventuellement n'existera pas nécessairement. On sera obligé de faire le saut. Faut donc s'y préparer de manière adéquate. Et parallèlement, parce qu'aussi ça ouvre des nouvelles possibilités dans un contexte où on questionne toujours la participation des citoyens et citoyennes, où on dit qu'elle n'est pas nécessairement suffisante, mais ça veut dire que on a là aussi des nouveaux outils pour aller les rejoindre, pour développer peut-être de nouveaux publics, pour garder une culture de l'implication, si on peut dire. Et parallèlement, au niveau du travail, ça change aussi le mode parce que le bureau devient de plus en plus délocalisé, parce qu'on peut travailler de partout. Donc, ça change aussi les notions de productivité. Évidemment, ça le fait pour l'entreprise privée, ça le fait aussi pour l'entreprise publique, pour les gouvernements, pour les institutions. Donc, il y a quand même beaucoup de changements en profondeur, dans le fond, qui sont amorcés par ça et qui éventuellement risquent aussi, dans une certaine mesure, d'amener des changements culturels, mais dans la culture au sens large, dans les manières de faire, dans les manières d'être. Mais Raymond, si j'essaie de tirer une conclusion de ce rapport-là, on a un gros casse-tête qui s'en vient et pour l'instant, on a juste fait le tour. Et en fait, j'ai presque envie de te lire leur conclusion. On parle quand même d'un rapport de 200 pages. Ils ont réussi à le résumer en trois paragraphes. Okay. Alors eux, ce qu'ils disent, et j'ouvre les guillemets, « La maîtrise par l'humanité de ces processus informationnels, langage, écriture, imprimerie, télécommunication, s'est accélérée brutalement de par les progrès des technologies de l'information et de la communication et l'irruption d'un réseau universel Internet au début des années 90. Son histoire est récente et sa trajectoire continue. En extraire les fondamentaux n'est guère aisé, mais il est évident que le monde avec Internet ne pourra ressembler à celui d'avant. L'emprise irréversible sur l'économie et la société d'Internet s'impose à la puissance publique quant à son développement et ses conséquences. Les stratégies publiques sont à adapter, sinon à réinventer, pour certaines en urgence, pour à la fois canaliser certains effets et en stimuler d'autres. » On retrouve le rapport au complet sur le site de l'ITIS? Sur le site de l'ITIS, on a hyperlien.itis.laval.ca, sinon sur l'Observatoire francophone des technologies de l'information, ofti.org. Alors, on retrouve tout ça et sur le site de l'ITIS également les chroniques qu'on fait ensemble. Eh oui. Raymond Poirier, merci beaucoup. À la semaine prochaine.